Song, sorrow, grieving. viens de lire. Oh putain. Mauvais plan. Ah merde, pauvre filou. Putain, qui c'est qui a agressé ? Salopard.